22h tapante à la pendule de Radio Béton, et on est aussi content que quand il était 21h27, parce qu'on retrouve l'ami Thibaut pour le deuxième focus de l'émission de ce soir. Et ce focus nous fait rentrer les deux pieds en avant dans l'aspect hexagonal au passage. Ouais, premier groupe de l'aspect française. Et on va vers un groupe dont je suis particulièrement fan perso. Étonnamment, un groupe qui fait du black metal français. Avec des capuches. Voilà, donc Aurillac, le groupe qui, comme son nom l'indique, nous vient de Aurillac. Oh. Qui s'écrit A-O-R-L-A-A-C. Donc c'est de l'occitan qui se prononce Aurillac. Une formation en 2007, un groupe qui a un concept qui tourne fondamentalement autour de leur terre natale, de l'Auvergne, et tout un concept autour de la montagne et de l'histoire de cette contrée de manière générale. T'avais quelque chose à dire, non ? Non, je regarde, en fait, j'avais pas fait gaffe. Alors, je ne sais pas si c'est un concept réel ou plus une espèce de logique, mais en fait, c'est vrai que les trois premiers albums, on croit que c'était un triptyque sur le vent. Mmh, ouais, tout à fait. Donc voilà, est-ce que le thème de la météo, c'est un truc qui revient chez eux ou pas ? Voilà, je sais pas. Mais du coup, il y avait ce triptyque autour du vent. Est-ce que là, ils ouvrent un nouveau chapitre ou pas du tout ? C'est vrai que bon, t'es plus que courant que moi du groupe. Ouais. Donc est-ce que t'as vu des trucs à ce sujet-là ou pas forcément ? Alors, fondamentalement, bon, tu me coupes un peu l'herbe sous le pied parce que j'allais y venir dans mon truc, mais bon, j'ai l'habitude maintenant. Donc ouais, leur quatrième album, qui est donc en 2008, un album qui s'appelait À la croisée des vents, Pardon. C'était le premier, pas le quatrième. Oui, pardon, le premier album en 2008. Il est perturbé. À la croisée des vents. Un album sur lequel j'ai pas vraiment accroché. Il est, voilà, c'est pas ma cam. En 2010, La Cité des Vents, qui était plutôt sympa, sans être de la folie absolue, ça commençait à poser des bases de quelque chose qui progressait. Et là, clairement, ben, 2018, signature chez Les Acteurs de l'Ombre, qui arrive avec l'album L'Esprit des Vents. Et là, moi, ça a été la claque. Clairement, c'est un album que j'ai écouté et qui a été dans mon top écoute en 2018 sans aucun problème. Ouais, qui était une réussite à un peu tous les niveaux, aussi bien au niveau de l'artwork que du travail musical. Ouais, et puis qui trouvait sa place sur ce label-là, fondamentalement. Vraiment, on trouvait l'essence de ce label-là à travers ce projet. Je sais pas, j'ai pas trouvé d'informations, parce que quand on fait une recherche sur La Cité des Vents, je pensais que ça avait un rapport avec une ville ou quelque chose, Aurillac notamment, et j'ai pas trouvé d'informations spécifiques là-dessus, et dès que je tapais des recherches dessus, je revenais sur le titre de l'album du groupe et il n'y avait pas spécialement de retour là-dessus. Donc peut-être que ce concept autour de la Cité des Vents a un rapport avec la ville ou quelque chose autour du concept, j'imagine, mais j'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Donc quatrième album qui change complètement de thème puisqu'il s'appelle Pierre Brûlée. Évidemment, on reste fondamentalement dans quelque chose qui est assez tellurique et assez nature et tous ces concepts là. Un album qui surpasse tout ce qu'ils ont fait jusque là. De toute façon, à mon sens, le groupe n'a fait que progresser du début à la fin. Donc voilà, on est encore en pleine explosion de ce qu'ils peuvent faire. Une pochette que je trouve super classe, on reviendra un peu dessus quand on aura écouté le morceau, mais on y voit un volcan qui est en pleine explosion avec de la lave partout, et je la trouve vraiment super classe et surtout porteuse d'un message dedans. Et un petit tour rapidement sur le membre du groupe, le fondateur, donc Spellbound, qui est notamment leader, vocaliste et chanteur du groupe Jourpal qu'on a diffusé il n'y a pas très longtemps. Qui est également signé Les Acteurs de l'Ombre. Donc voilà, tout ça, ça se tourne un peu autour. Ça se renifle le cul depuis quelques années. Voilà, tout à fait. Et puis on va peut-être s'en écouter un petit morceau. Et puis on parlera du morceau juste après, voilà. Et de l'album dans ses plus grands travers. Au travers de nos cris, pour illustrer ce focus sur Aurillac, pour présenter ce nouvel effort studio, Pierre Brûlée. Capitaine, c'est fertile. Or qui fout le règne des rois. Hop, on se retrouve pour la deuxième partie du deuxième focus de ce soir, consacré maintenant à Auriac. Donc là, on va attaquer la partie plus présentation du morceau qu'on vient de s'écouter et de ce quatrième album un peu plus en détail. Ouais, bah voilà, le morceau qui est ressorti du lot, je crois que c'est celui qu'ils avaient présenté déjà avant la sortie de l'album. C'était un petit peu le porte-étendard de l'album. C'est mélodique et épique à souhait. Moi, je trouve ça vraiment ouf. C'est riche et hyper entraînant. Et puis moi, je suis vraiment un ultra fan de ces leads hyper incisives qui te sont quasiment chirurgicales et qui te prennent aux tripes, quoi. Et en même temps, hyper épique et mélodique. Voilà. Bon, moi, je suis assez. Ça m'a fait beaucoup rire là, cette espèce de petit pied de nez, je trouve, au Beru avec ce salut à toi qui est complètement détourné pour un espèce d'appel à cette fédération de cette région. Et ça rejoint, je trouve, cette pochette d'album avec ce volcan qui se réveille en fait et qui est complètement pour symboliser le réveil de l'Auvergne et des volcans qui sont endormis depuis des millions d'années maintenant. Voilà, je trouvais que c'était un morceau. Enfin, vraiment, il y a quelque chose qui est porté. Et c'est un espèce de cri d'amour pour leur région pendant tout l'album. C'est génial. Moi, je suis. Parce que quand on prend le temps d'étudier la pochette de l'album, donc tu parles effectivement d'une éruption volcanique, sauf qu'en fait, au cœur du volcan, c'est un soleil qui en émerge. Donc voilà, un renouveau de cette région complètement passée à la trappe. Alors qu'il y a une histoire extrêmement riche et chargée. D'ailleurs, ça fait partie des thèmes. Abordé, comme tu l'as dit, sur les précédents albums de Auriac, voilà, cher à leur région, à leur histoire régionale. Et du coup, c'est tout ça qui est mis en musique au fil de leurs albums. Ouais, tout à fait. Après, je te disais, moi, l'espèce de pont là au milieu avec ce hurlement où tu sens vraiment la résonance dans les montagnes du truc. Puis tu as toute cette portée ultra tellurique, de la puissance de la nature autour de toi. Portée par leur musique, ouais, justement, qui prend énormément de place et de volume à l'écoute. Et ouais, très, très immersive. Ouais, complètement. Enfin, vraiment une petite pépite que, clairement, aujourd'hui, Auriac, c'est un groupe que je place vraiment super haut parmi les groupes français. Je trouve que c'est vraiment un groupe qui est à suivre et qui, là, commence à forger une identité très, très personnelle et très, singulière, en fait, au sein du paysage. Voilà. Très bien. T'as fait le tour ? Ouais, c'est bon pour moi. Bon bah voilà, le détail est creusé pour Auriac. On passe donc au reste de la diff hexagonale avec la première vraie doublette du coup dans l'aspect française. Venefiction, ce groupe de Evil Death qui nous vient de Bretonnie. Sight from Below, c'est le nom de ce premier effort studio longue durée. Une sortie sur le très très bon label Iron Bonehead Production. Et dans la foulée, le hard and roll bien speed de Iron Lizard. Hungry for Action, c'est le nom de leur second effort studio, si je ne m'abuse. Monster Hero, et juste avant ça, Venefiction avec le titre Beneficial of Evil. C'est parti. We'll be right back. La suite, c'est une doublette qui va nous permettre de faire la glissade entre l'aspect française et le retour à la diff internationale. Avec tout d'abord Hegemon, formation signée chez les Acteurs de l'Ombre. On est sur du nihiliste black metal avec des envolées un peu plus atmosphériques. Sidereus Nunclus, c'est le nom de leur quatrième album studio, si je ne m'abuse. Cinquième même. Ils n'ont rien sorti depuis 2015. Bon, clairement, ils prennent leur temps entre deux albums. Hein, 2002, 2008. 2015-2021. Sidereus Nuncius, donc une sortie Les Acteurs de l'Ombre, il est déjà dispo. On va s'écouter le titre Hermamene, et dans la foulée Creeping Death, le groupe donc de Death Hardcore qui nous vient des États-Unis, un autre groupe venu du Texas, Edge of Existence, un EP en attendant le prochain album et qui fait suite à l'album sorti en 2019. Creeping Death, l'EP est déjà disponible. On va s'écouter le titre Relics from the Path. C'est parti. Yeah! 22h33 à la pendule de Radio Béton, on attaque donc tranquillement la dernière demi-heure de l'émission d'aujourd'hui, émission, on vous le rappelle, qui a lieu en direct des studios du Donjon du 93.6. Valgue Fluster, c'est la suite de la DIF, formation de black metal qui nous vient de Munich en Allemagne. Ils sortent là leur 8e album studio, Dawam. Ça me fait penser à de la bouffe, les crêpes, Mawam, connerie du genre, enfin bref. Art of Propaganda Records, c'est l'écurie qui nous sort son nouvel effort studio donc de Valgue Fluster. Ils sont en doublette avec Atrey Billis, une autre formation qui nous vient du Canada. Je crois qu'on n'en a pas diffusé encore aujourd'hui. Là, on est sur du death mystique et occulte. Apex Sapien, c'est le nom de ce premier effort studio. Et Atrey Billis, c'est une des magnifiques sorties 20 Buckspin Records, un label qu'on a découvert il y a à peu près un an et qui nous gratifie d'une sortie ultra qualitative chaque mois. Valgue Fluster, le titre Mimblick auf Kaiser, Atrey Billis, Offspring the Effigy, c'est parti. Voilà, avec une fin complètement inspirée de Morbid Angel. C'est proto-slamisant. C'était très très plaisant à s'écouter. Donc, ce titre de Atreibilis. Doublette suivante, et ben pour attaquer le dernier quart d'heure de l'émission de ce soir, nous avons tout d'abord Kryptos, groupe de la fin des années 90, Heavy Trash, qui nous vient d'Inde, de Bangalore plus précisément. Force of Danger, c'est déjà leur sixième effort studio. C'est pas souvent qu'on a des formations qui nous viennent d'Inde, une sortie AFM Records. Et en doublette avec Kryptos, on retrouve une autre formation venue d'Orient, plus précisément Lang. Et là, du coup, Thibaut va reprendre le micro pour nous donner quelques mots de présentation sur ce groupe venu de Taïwan. Ouais, bah, c'est pas tant une présentation, parce que le groupe avait pas matière à faire un focus, mais était quand même assez intéressant. Du coup, on en a fait un petit spotlight qui a été diffusé, je crois, ce matin sur notre blog et notre page Facebook. Mais ouais, Lang, j'ai mis un peu de temps à rentrer dans le morceau, dans l'album, parce qu'il y a le chant qui est très particulier et qui est, pour moi, qui me rappelait un petit peu celui qu'on peut avoir dans des groupes genre Arakiri for the Sky ou des choses comme ça. Mais sinon, globalement, c'est assez bien foutu et c'est singulier, en fait. C'est un truc qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Bon, voilà, je trouve assez sympa quand même. Faut l'écouter, je pense, plusieurs fois pour l'apprécier dans sa globalité, quoi. Je suis en train de lire un peu la signification de l'origine du nom du groupe. C'est assez glaçant. Alors pour le coup, ça se traduit par cold en anglais. Et en fait, c'est tout simplement une inspiration suite au fait que le leader du groupe, en fait, il est pris une bastos lors d'un carjacking. Et en fait, c'est quelque chose qui lui est venu à l'esprit pendant sa période de réhabilitation. Après une sortie de coma, et du coup il décrit la musique de Lang comme du terror black metal. Ouais. Donc, ouais, je pense que c'est assez bien défini pour le coup. Terrible d'avoir ces petites anecdotes qui enrichissent un petit peu l'histoire des groupes. Kryptos, le morceau Hot Wired, extrait de leur nouvel effort studio Force of Danger. Lang avec le morceau Eiayoshi, extrait de leur nouvel effort studio Xinteng. C'est parti. Just kills in the end. Steaming straight up. 22h55 à la pendule de Radio Béton, ça va être l'heure de se quitter avec un tout dernier morceau pour ce soir. Merci d'avoir suivi l'émission, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une émission en différé, qu'on enregistre un peu plus tôt dans la semaine, parce que dans une semaine à la même heure, on sera en train de finir de décéder après un fort long week-end de concert en Belgique. Ça vous vous en foutez, mais ça me fait plaisir de le dire quand même. Et puis on vous prépare une petite spéciale Halloween, on vous en parlera sur nos réseaux, hein, sur notre page Facebook dans les jours à venir, une émission un peu spéciale pour Halloween où on va se faire plaisir avant tout, et puis si on vous fait plaisir au passage, c'est du bonus. On va se quitter donc avec un titre de Occult, groupe de death metal qui nous vient d'Atlanta aux États-Unis. Ils sortent leur premier effort studio, Crepitation of Legacy. Vous en doutez bien, Occult, c'est bête, méchant, c'est crado, une sortie sur le très bon label Everlasting Spear Records, et on se quitte avec le morceau Tendon Pandateum. À très bientôt, ciao ciao.